reste sale. Arrondez tout en salamara. Début l'ancien, fini l'ancien quand le loup n'est pas là. Autour au bloc avec le real motherfucking G's. Faut que je la croquettise, marque l'époque en bien sans qu'elle brise. Une bagarre pour régaler, j'attaque la Sénégal et fallait pas commencer, je consomme un lutteur sénégalais. Attends, personne bouge, il faut on est comme des charognes. Crois-moi, j'aime pas personne, pour lui foutre de sa daronne. Le frère s'est trompé de chemin. Je lui ai mis pas un palier. Je crois qu'il va tomber deux, trois baffes avant que vous partiez. Méfie-toi des grands du quartier. Demain t'auras oublié Askib. Mais t'es ce qui vient à l'heure du casse-pipe. On va le faire danser sa mère. Avant le matin. On va le faire danser sa mère. Avant le matin. On va le faire danser sa mère. On va le faire danser sa mère. Me fais pas le fou. On va faire danser ta mère tonight. Me fais pas le fou. On va faire danser ta mère tonight. Me fais pas le fou. On va faire danser ta mère tonight. Me fais pas le fou. On va faire danser ta mère. On va faire danser ta mère. Avant le matin. On va faire danser ta mère.